Alain Leclerc. Présente. Police spatiale. 2018. Titre. Colonie. Chapitre 1er. Dans l'univers Orion, la planète Colonie était habitée par plus de 15 milliards d'habitants venus vivre là en provenance de différentes planètes des univers parallèles, et bien souvent des guerres éclataient entre les différentes communautés qui vivaient là. Depuis plusieurs siècles, le maintien de l'ordre avait réussi à sortir Colonie de bien des événements graves et la paix arrivait à bien se maintenir grâce à la poigne de fer du régulateur de la vie. Le régulateur de la vie était une invention d'un savant fou vivant sur Vega qui voulait offrir la vie dans l'espace sur un monde inconnu et y créer toutes les bases pour y vivre. Le régulateur de la vie était un vaisseau spatial de 10 km² qui était parti dans l'espace sans race humaine à bord mais qui avait été entièrement rempli de matériel divers pour vivre sur une planète et y donner la vie. Des milliards de graines diverses venant de toutes les planètes découvertes avaient été mis à bord et des réservoirs d'eau immenses furent remplis. Le régulateur de la vie avait son cerveau propre constitué d'électrons de la lumière des étoiles réfléchissant sur sa coque externe et de toutes sortes d'énergies qu'il pouvait capter donnant lieu à la vie dans cet immense corps que lui avait fait ce savant. Le régulateur de la vie avait décollé de Vega en l'an 5000 de l'ère de la Terre et c'est en l'an 11000 voyageant à travers les mondes parallèles qu'il découvrit la planète Colonie. Après avoir étudié la planète de l'espace pendant plusieurs années, il avait décidé d'établir la vie dessus et il s'était posé. Les siècles passant, petit à petit des vaisseaux croisant au large se posèrent et découvrant une planète avec tout ce qu'il fallait pour vivre dessus et bien ils étaient restés pour la plupart. Avec leurs descendants et d'autres races venues de l'univers, Colonie avait grandi et le régulateur régnait en maître pour faire vivre son œuvre qu'il avait créée. En l'an 15000 de notre ère, les capteurs du régulateur de la vie se réveillèrent et se mirent à sonner dans le vaisseau et le régulateur de la vie comprit qu'un grave événement touchait Colonie. À l'université de la police spatiale de Colonia, la capitale, l'agent de police Nova finissait son école où il avait été reçu premier de sa promotion et il attendait dans une salle d'attente que le collaborateur nommé à ce poste par le régulateur de la vie le reçoive. Nova avait 25 ans et venait de faire 7 ans d'études à l'académie où en plus du droit interplanétaire qu'il avait appris, il avait subi un entraînement à rude épreuve avec des sports différents et avait subi des opérations pour lui introduire des implants lui donnant certains pouvoirs. Nova savait qu'il devait toujours les utiliser pour faire respecter la loi mais pas les utiliser à mauvais escient sous peine d'être passé au désintégrateur par le régulateur de la vie. Nova était célibataire, ce qui était la norme obligatoire pour être policier, était blond et beau mais il savait qu'au cours de ses prochaines missions que son aspect pouvait être changé pour l'aider à les réussir. Il savait qu'il aurait une longue vie devant lui, vivant pendant plus de 2 siècles voire 3 avec des bonus de rajouter à chaque fois qu'il réussirait une mission pour sauvegarder la paix. Il sortit de ses pensées quand une voix synthétique annonça. « Entrez agent Nova, le collaborateur vous attend ». Le jeune policier se leva et entra dans un sas de sécurité où Nova savait qu'il serait bombardé de rayons afin de le reconnaître et voir s'il ne portait pas d'armes sur lui. Quand il passa la deuxième porte, il vit le collaborateur assis dans un fauteuil, un androïde créé par le régulateur de la vie, afin de diriger l'école de police d'une poigne de fer. « Asseyez-vous Nova. » « Merci monsieur. » Nova prit place sur une chaise et il n'était pas tranquille devant le collaborateur que tous les élèves craignaient. « Bien Nova. » Vous venez de finir vos études de policier en terminant premier de votre classe, ce qui vous honore, et le régulateur de la vie ayant besoin de policiers fraîchement émoulus de l'école et devant votre prouesse vous attend pour vous confier une mission tout de suite. Bien monsieur, à vos ordres. À partir de cette minute Nova, vous n'appartenez plus à l'académie de police mais vous devenez entièrement un policier du régulateur de la vie et donc d'autorité, vous passez au grade de colonel sous le code de reconnaissance C.144, car seuls les policiers les plus méritants accèdent à ce grade pour former la brigade d'intervention rapide. Merci monsieur. Bien, ne me décevez pas colonel et bonne chance. Merci monsieur, je vous le promets. Alors filez vite mon garçon. Nova remercia et sortit. Astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque. Chapitre 2. Nova, à la sortie de l'université de police, avait pris un scorpion, sorte de petit hélicoptère à pulsation énergétique à une place et qui était le véhicule courant de colonie. L'appareil automatique fut programmé par Nova où il donna l'ordre vocal de le déposer au régulateur de vie et tout en réfléchissant à ce qu'il allait découvrir en allant voir le régulateur de vie pour la première fois, il était fier de la tâche qu'on lui confiait là. Le vol dura 25 minutes et ils arrivèrent aux montagnes qui se trouvaient au nord de Colonia, et de loin Nova aperçut niché dans un immense volcan éteint, le dôme du vaisseau dépassé et son cœur se serra en le voyant aussi énorme. À l'approche de l'appareil, un trou s'ouvrit et le scorpion fut avalé. 2 minutes après, comme sur un coussin d'air, l'appareil se posa, et la turbine arrêtée, la porte s'ouvrit automatiquement. L'agent en descendit et une femme androïde qui l'attendait s'avança en souriant et demanda. « Vous êtes le colonel Nova ?»« Oui. Je m'appelle Christina, veuillez me suivre colonel, le régulateur de la vie va vous recevoir. »« Entendu Christina, je vous suis alors. » L'androïde l'emmena avec elle dans un couloir où Nova fut surpris quand il fut soulevé du sol par une force inconnue et l'emmené dans ce couloir. Rapidement ils prirent de la vitesse et Nova n'eut pas peur se sachant en sécurité. À travers des couloirs différents où ils croisèrent des androïdes qui ne s'occupaient pas d'eux comme s'ils ne les voyaient pas, ils arrivèrent enfin au cœur du vaisseau où ils reprirent pied sur le sol. « Eh bien je ne connaissais pas ce moyen de transport, Christina. » La femme sourit et répondit. « Avec le régulateur de la vie, vous n'avez pas fini de faire des découvertes, colonel. » À ce moment-là, un panneau devant eux coulissa sur le côté et l'androïde fit signe à Nova d'entrer. L'agent passa le seuil et le panneau se referma derrière lui et une voix métallique s'éleva dans la pièce qui ressemblait à un hangar. Agent C-144, vous avez réussi à passer l'épreuve finale pour devenir policier de la paix police spatiale et à ce titre vous êtes élevé au grade de colonel pour faire partie de ma police. Merci régulateur de la vie. Aujourd'hui vous prenez vos fonctions officiellement et êtes-vous prêt à partir de colonie? Oui régulateur de vie. Alors vous partez pour la planète Oméga dans le système X-25 où là-bas une révolution sévit depuis un mois, ce qui a affamé une partie de la population sans compter les morts et on ne peut pas laisser faire CA dans l'intérêt des univers. À vos ordres régulateurs de la vie, vous pouvez compter sur moi. Ne me décevez pas colonel et donc je vous confie votre vaisseau l'Espadon où votre équipage vous attend. Je vous remercie régulateur de vie. À bord vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour vos missions C-144. Bien régulateur de la vie. Vous êtes le représentant de colonie sur Oméga et faudra me tenir au courant où mes coordonnées ont été mises dans votre ordinateur de l'Espadon. Entendu régulateur de vie. Filez sur Oméga C-144 et réglez cette révolte. Nova confirma qu'il avait bien compris et il sortit de l'antre du régulateur, dont le panneau d'accès se referma derrière lui dans un grondement sourd comme celui d'une porte de coffre-fort. 7 minutes plus tard, C-144 décollait à bord de son Scorpion qui avait entre-temps été programmé par le régulateur de vie pour rejoindre l'Espadon. Nova regardait le paysage défiler sous lui en rêvassant à sa nouvelle vie et c'est 50 minutes après avoir pris la direction de l'Est qu'il arriva en vue de l'astroport où l'appareil se dirigea vers un gros vaisseau spatial. Nova fut émerveillée de voir le vaisseau qu'on lui confiait qui était ovale et devait mesurer plus de 1 km de long par 10 de large. Soudain Nova aperçut le nom Espadon peint sur la coque et de chaque côté l'emblème de colonie et il en fut fier. Le Scorpion se posa à côté du vaisseau et un lieutenant en descendit et vint à sa rencontre. Nova sortit de l'appareil et le lieutenant demanda. « Vous êtes le colonel Nova ?»« Oui lieutenant. Bonjour mon colonel, bienvenue à l'Espadon, je suis le lieutenant Rama et je vais vous conduire auprès du second à la passerelle qui vous attend. Volontiers lieutenant je vous suis. » Nova suivit l'homme et ils montèrent l'escalier de la passerelle. Astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque. Chapitre 3. Nova maintenant parcourait derrière le lieutenant Rama les coursives du vaisseau de son premier commandement effectif hors monde, où sur leur chemin le colonel fut salué de toutes parts et il leur répondit avec un sourire à leur célotes et il continua à suivre le lieutenant. Ils arrivèrent à une large coursive où la nouveau Nova fut soulevée du sol et il partit à vitesse rapide en l'air vers leur destination. Soudain arrivant dans un hall sans crier gare, il fut déposé au sol devant une porte coulissante surveillée par deux gardes. Sur sa route, C-144 avait vu les uniformes pantalon veste bleu nuit qui étaient jolis à voir et qui étaient la tenue des policiers et il avait hâte de mettre la sienne. Il passa la porte coulissante qui s'ouvrit automatiquement et il entra sur la passerelle où une équipe de 10 hommes et femmes vacouait à leur tâche, surveillant les différents appareils ajustant des réglages. Un colonicien souriant s'avança et saluant le colonel déclara. « Bienvenue à vous colonel Nova, je suis votre second, Oxygène. Merci bien Oxygène, vous êtes nouveau vous aussi à bord de l'Espadon. » Oui comme tout le monde colonel. Parfait et vous connaissez mes ordres. Oui colonel rallié Oméga. Entendu Oxygène, départ le plus tôt possible. Entendu colonel. Où se trouve ma cabine je vous prie. Le lieutenant Rama va vous y conduire. Merci à vous Oxygène. Le second salua et Nova sortit. C-144 suivit le lieutenant et 100 mètres plus loin Rama s'arrêta puis posa sa main sur la poignée de la lourde qui reconnut son empreinte digitale et il poussa la porte puis se mit sur le côté pour laisser passer le colonel. Nova fut surpris de voir une belle cabine entièrement équipée aussi grande et le lieutenant lui montra la porte au fond. Nova s'avança vers elle et déboucha dans une somptueuse chambre qui avait à sa suite une salle de bain. « Vous me gâtez lieutenant Rama. Mon colonel c'est normal c'est dû à votre rang. Merci bien et pour mes bagages car je n'ai rien emmené. C'est déjà arrivé de votre appartement sur ordre du régulateur de la vie. Très bien merci lieutenant, vous pouvez disposer. À vos ordres colonel. » L'homme sortit, il se dirigea vers la baie vitrée où il voyait l'espace et il sourit en pensant qu'en réalité c'était une image que retransmettaient des caméras à l'extérieur. Nova alla s'asseoir dans un fauteuil ergonomique à géométrie variable et resta 10 minutes à se relaxer, puis il se leva, alla dans sa chambre et ouvrit l'armoire qui s'y trouvait là et cissa l'uniforme de la police qui l'attendait. Souriant, le colonel sortit son uniforme, le posa sur le lit, puis il se déshabilla et alla prendre une douche. C'est 20 minutes plus tard qu'il entrait sur la passerelle de commandement et il avait fière allure avec son uniforme et le second souriant annonça. Le colonel sur la passerelle. Tous se retournèrent et Nova demanda. Dans combien de temps le départ ? Dans 10 minutes, mon colonel, je vous passerai les commandes. Non, gardez-les, mais à tous, écoutez-moi, je vous prie. Tous les visages se tournèrent vers lui et C.144 annonça. Nous partons tous pour notre première mission à bord de ce luxueux vaisseau, l'Espadon, qu'on nous a confié, ce qui est un honneur pour nous. Je demande à vous tous de m'aider à réussir cette mission pour que le régulateur de la vie soit content de nous. À partir de ce moment, en se respectant pour les ordres pour la bonne marche de l'Espadon, on va tous s'appeler par nos noms et je laisse entièrement le pilotage à Oxygène ou son aide. Merci Nova, j'apprécie, répondit le second. Alors tous au travail, moi je vais attendre le départ avec vous et j'irai ensuite voir la salle d'armes. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Chapitre 4. Nova volait vers un croisement de coursivés, apercevant un plan mural, il poussa sur ses pieds pour le faire se poser comme il avait fait avec le lieutenant. Nova trouva l'endroit de la salle d'armes et lut. Appuyez sur le bouton pour recevoir votre carte. Le colonel s'exécuta et d'une fente sortit une carte de poche en plastique. C.144 la regarda et tourna vers la coursive de droite et il décolla du sol. L'agent arriva à un ascenseur antigravitationnel et il monta dans la cabine et le sol se déroba sous lui et il plongea dans les entrailles de l'Espadon. Quand ses pieds touchèrent la plaque du dernier niveau, il sortit de la cabine et vit les panneaux d'indication le dirigeant parmi les coursives. Nova prit celle devant lui et fut surpris de voir qu'à ce niveau il devait marcher. Rapidement, Nova arriva à une porte marquée salle d'armes où dessous se trouvait gravée une tête de mort. Le colonel entra et il aperçut une androïde brune et frisée aux cheveux longs qui testait un tuyau d'où sortaient des points lumineux qui firent fondre un bloc d'acier. Bonjour, je suis le colonel Nova, nommé à la tête de l'Espadon. Bonjour colonel, je me nomme Orage et suis armurière en chef de ce vaisseau. Enchanté Orage. Moi aussi colonel. Bien, auriez-vous une arme de service à me donner comme le prévoit le protocole ? Bien sûr colonel, le second Oxygène m'avait prévenu de votre arrivée et cette arme-là je la testais pour vous. C'est quoi Orage ? C'est un laser portatif à particules moléculaires qui se recharge tout seul avec la chaleur de la main qui le tient. Bravo Orage, j'ai vu son effet sur l'acier. Oui, est facile à transporter car il ne mesure que 20 cm de long avec un diamètre de 2 et vous pouvez donc le glisser dans votre poche de pantalon prévue à cet effet. Pas mal et pour l'utiliser. Regardez ce bouton colonel, on le tourne, on appuie dessus ce qui débloque la sécurité et l'autre bouton, vous appuyez une fois et une poignée de points lumineux sortent et vous avez vu le résultat et laissant le doigt dessus ça tire en feu continu. Pas mal Orage et je l'adopte alors. Mon colonel, on en a tous un à bord. Le colonel sourit et remercia et l'armurière ajouta. Voici une montre pour vous colonel qui en plus de donner l'heure permet de vous servir de balise de détresse et on pourra donc vous retrouver facilement et elle fait aussi la transmission entre nous. Ok merci et c'est tout. Oui mon colonel. Alors je vous quitte Orage et nous partons là pour Omega. Je suis au courant colonel. Nova hocha la tête et sortit de la salle d'armes. C.144 revint à la passerelle de commandement et demanda à Victor l'ingénieur en vol. Comment se passe le départ Victor ? Très bien Nova, tous les indicateurs disent que les écrans affichent le bon fonctionnement de l'Espadon. Parfait, et pour la maintenance du vaisseau ? Tout va bien mais je vous conseille de voir Noël, qui lui vous dira tout. Ok, Oxygène, vous avez une minute. Oui Nova. Réunissez-moi l'équipe de la passerelle au complet car avec l'écart je n'ai pas encore vu tout le monde et les responsables des services importants du vaisseau. Entendu Nova, il nous faut 30 minutes le temps qu'il arrive. Bien et à quel endroit Oxygène ? À la salle du conseil. Compris, j'ai un plan de poche et je trouverai. Nova, intervint Victor, je vais vous donner un guidé. Un guidé ? Oui Nova, voici le mien. L'ingénieur sortit de sa poche de pantalon une sorte de carte de crédit, posa le doigt dessus ce qui alluma le guidé et une voix métallique demanda. À quel endroit voulez-vous aller ? Victor porta le guidé à sa bouche et répondit. Salle du conseil ? Suivez le guide, je vous y emmène. Pratique ce guidé et je vous remercie bien Victor, ça va bien m'aider à me diriger dans le vaisseau. Même à l'extérieur, ça marche Nova. Le colonel remercia et prenant son appareil il lui demanda de le conduire à sa cabine et il sortit de la passerelle. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Chapitre 5. 20 minutes après, le colonel Nova pénétrait dans la salle du conseil où le guidé l'avait emmené. À son entrée, le bruit cessa et le second lui fit signe de venir sur l'estrade et lui tendit un micro. C.144 le prit et remercia Oxygène et se présenta. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis le colonel Nova, fraîchement nommé par le régulateur de la vie pour assurer des missions de police avec vous et permettre au peuple de l'univers de vivre en paix, et donc je suis en charge de ce vaisseau. En tant qu'officier de la passerelle, tout en respectant nos grades, on s'appellera par nos noms et merci de vous présenter, je vous prie, tout en commençant par Noël de la maintenance, dont m'a parlé Oxygène. Un homme aux cheveux crépus et mesurant 1m60 s'approcha, souriant, il avait des gros sourcils et une moustache et était roux, et il se présenta. Je m'appelle Noël, mon colonel et chef de service de la maintenance du matériel de l'Espadon. Bien Noël, et avez-vous tout ce qu'il faut à bord? Oui mon colonel, dans les soutes. Bien, ensuite. Une femme brune aux cheveux coupés à 5 mm s'avança et annonça. Mon colonel, je m'appelle Docteur et je suis le médecin de bord. Ah! Docteur, le régulateur vous a choisi votre nom. La femme, qui était ravissante à voir, répondit. Oui mon colonel, mais ça me va bien. Bien, je compte sur vous docteur pour nous garder tous en forme. Avec plaisir Nova. Bien, et qui s'occupe des machines? Moi mon colonel. Nova vit avancer un homme de plus de 2 mètres de haut, il avait les cheveux en queue de cheval, brun et devait avoir la quarantaine. Je m'appelle Mécano mon colonel. L'homme souriait et Nova lui rendit son sourire, sachant que le régulateur de vie donnait des noms à sa façon, et il demanda. Les moteurs de l'Espadon vous conviennent? Oui mon colonel, c'est un beau jouet qu'on m'a offert là. La salle éclata de rire et Nova répondit. Alors on va tester votre jouet mécano et pousser les moteurs à fond pour rejoindre Omega au plus vite. Avec plaisir colonel. Lieutenant Rama, je désire que vous vous occupiez des transmissions à la passerelle et lors de vos quarts de service vous vous teniez à cet endroit précis et nulle part ailleurs, et il en va également pour vous, chef de service ici présent. Noël déclara. Mon colonel, je dois travailler à mon poste. Pardon Noël, vous avez raison, je débute et je me suis mal exprimé, mais accourez le plus vite possible quand la passerelle vous appellera. Puis reprenant. Orage, quelles sont nos forces de défense et d'attaque? Des tourelles de tir laser, plus des rayons énergétiques pouvant déformer les vaisseaux qui nous attaqueraient, des rayons tracteurs qui peuvent aussi attirer leur prise violemment contre notre bouclier défensif, ce qui les réduira en miettes si les 10 vaisseaux ne sont pas plus gros que le nôtre, et des ondes ioniques mettant en panne tout ce qui est électronique. Pas mal, et nos forces extérieures? Une force de 100 appareils que je commande moi-même. Ah bon, et qui dirige la défense du vaisseau alors quand vous êtes en vol? Mon second, mon colonel. Parfait, merci à tous de faire vivre et fonctionner harmonieusement l'Espadon, et ensemble on montrera à travers les univers la force de la police de colonie. Allez vaquer à vos tâches, moi je vais voir notre flotte d'intercepteurs. Suivez-moi Nova, je vous emmène, dit l'armurière. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Chapitre 6. Nova entra dans l'ascenseur à son tour derrière Orage et il fut emporté vers les entrailles du vaisseau et s'exclama. On revient chez vous Orage. Oui, on est au même niveau que nos chasseurs cosmiques. Ah. Pratique pour vous. Oui Nova, ainsi que Noël pour la maintenance, et de la sorte on peut intervenir rapidement sur nos appareils, tant pour l'entretien, le chargement des armes ou du carburant, ou bien pour sauter dedans Fissa et décoller en urgence. Ils franchirent une porte qui s'ouvrit sur leur passage et le colonel vit la centaine d'appareils qui étaient rangés côte à côte sur deux files le long de la coque, laissant une piste d'envol bien dégagée au milieu d'eux. Ils sont beaux ces chasseurs cosmiques, c'est la première fois que j'en vois. Note de l'auteur, ces chasseurs cosmiques ressemblent entièrement à des avions de chasse terrestre mais faits pour l'espace. Oui Nova, et on a les ailes pour décoller et atterrir, et dans le vide de l'espace ces ailes s'escamotent et nos chasseurs cosmiques deviennent des petits vaisseaux à deux places bourrés d'électronique et d'armement comme ceux de l'Espadon. Et on a vraiment 100 appareils. Oui Nova, le régulateur de vie tient absolument à ce que ses patrouilles dans l'espace soient en sécurité et puissent montrer leur force pour faire respecter la paix. Entendu, et j'aurai droit à un appareil aussi. Oui c'est prévu, mais vous devez passer à l'endoctrineur avant afin d'avoir le droit de piloter. J'en ai entendu parler Orage, mais c'est quoi au juste? L'endoctrineur est une machine où il faut entrer dans un tunnel à particules organiques des étoiles, dont on referme les deux extrémités, et pendant 10 minutes d'intenses ondes à forte dose bombardent votre tête, on introduit ce qu'on désire dans le cerveau de la personne qui se trouve à l'intérieur, ce qui permet à la sortie du tunnel de tout connaître sur le sujet préprogrammé dans l'ordinateur de l'infirmerie. Eh bien Orage, je passerai à l'endoctrineur le plus vite possible, et qu'on me prépare un chasseur cosmique. À vos ordres Nova. Merci, je rejoins la passerelle de commandement car maintenant j'aimerais bien voir l'ordinateur de bord afin de pouvoir travailler avec lui. D'accord Nova, je vais vous ramener à la passerelle. Nova refusa et ajouta. J'ai mon guidé Orage. La jeune femme sourit et le colonel partit vers la porte coulissante qui se referma une fois qu'il fut passé. Quand le colonel entra sur la passerelle, il fut annoncé par le lieutenant Rama et vit sur un mur l'image d'une planète ronde qui était verte et bleue et qui avait un diamètre 10 fois la grosseur de la Colonia. Apercevant le second qui tapait sur un clavier d'ordinateur, il demanda. « Oxygène, nous arrivons déjà. Oui, dans une heure on décélérera notre vitesse pour être en orbite autour d'Omega Nova. Mais comment est-ce possible qu'on soit déjà arrivé ? C'est grâce à Mécano qui a su régler ses moteurs à la vitesse maximum avec ses réglages à géométrie variable, ce qui nous a permis avec le précieux concours de notre ordinateur de sauter le temps en transitant par des temps parallèles et on est arrivé. Eh bien bravo à notre chef mécanicien et à l'équipe, mais et notre ordinateur est puissant à ce point-là. Très puissant Nova, et elle va vous répondre elle-même. Elle ? Oui, le régulateur de vie l'a voulu ainsi. Très bien, et son nom ? Julie, et vous pouvez lui parler, elle vous répondra. Merci Oxygène, Julie tu es là. Oui colonel Nova, à vos ordres. Peux-tu nous renseigner sur cette planète Oméga ? Bien sûr, voilà. Planète Oméga. Sa gravité à sa surface d'après mes calculs est la même que la planète bleue Colonia, donc 9,806-65 mètres, ou ainsi vous pourrez bouger sans encombrement. Colonel, cette planète est 10 fois supérieure au rayon de la planète bleue qui est rentrée dans ma base de données et donc est exactement de 60,378,137 km, elle tourne sur elle-même et a des journées de 48 heures avec 24 heures de jour et 24 heures de nuit. Entendu Julie, et quoi donc en plus ? Elle a 18 continents de différentes tailles et le reste c'est que de l'eau salée. Bien, et ces continents sont-ils habités par des races d'humains ou d'animaux ? Oui, un seul habité par des humains qui est le plus grand des continents et le reste que par des animaux d'après ma base de données. Le relief. Colonel, tous ceux qui ne sont pas habités par les humains ont des montagnes avec des volcans éteints et le plus grand a des collines mais aussi des forêts comme sur les plus petits continents où la végétation et des arbres ont poussé sur les montagnes. Peut-on respirer dessus sans avoir à porter un scaphandre complet avec respirateur intégré et y survivre ? Oui bien sûr colonel, l'oxygène est 10 fois supérieur à celui de la planète bleue mais aucun problème pour vous. Bien, vois-tu un endroit où on pourrait se poser ? Concernant l'espadon, impossible sur les terres arables, vu son poids de monstrueux, ou ça sera sur le sommet d'un pic rocheux granitique ou basaltique, ou alors faudra brûler au laser lourd une partie de la forêt au risque de mettre le continent en feu, et sur l'eau avec le poids de l'espadon on coulera. Donc faudra se poser avec les chasseurs cosmiques. C'est la seule solution colonel, et encore avec prudence. Je te remercie Julie. À votre service colonel. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Chapitre 7. Le colonel se retourna et demanda. Dans combien de temps serons-nous en orbite oxygène ? 5 minutes Nova. Bien lieutenant Rama, branchez-moi sur le vaisseau. À vos ordres Nova. C.144 se dirigea vers une console où se trouvait un micro et voyant un témoin vert s'allumer, il sut que le circuit était ouvert et sa voix fut diffusée par tous les haut-parleurs de l'espadon. C'est votre colonel Nova qui vous parle, cher équipage, nous arrivons à Omega comme c'était prévu et sans incident nous concernant, et je vous demande à tous de rejoindre vos postes en restant en état d'alerte si par d'aventure le vaisseau ou la patrouille qui va sortir serait attaqué. Que tout le monde soit prêt à intervenir aux ordres du second oxygène. Je vais sortir seul et 3 chasseurs m'accompagneront mais resteront en l'air prêts à m'épauler en cas de besoin le temps que les renforts arrivent. Orage, organiser un plan de sauvetage en cas de besoin et que le docteur soit prêt à intervenir avec son équipe médicale. Enfin que la scientifique Vénus me rejoigne à mon appareil avec ses instruments. Équipage de l'espadon, et par les pouvoirs de notre régulateur de vie en passant dans l'endoctrineur, j'ai reçu l'ordre étant donné qu'on est arrivé à destination, donc vous avez fait vos preuves et bien vous passez tout lieutenant de police spatiale et donc ne décevez pas le régulateur de vie et bonne chance à tous. Nova vit le voyant se teinter en rouge et saluant les officiers, il sortit de la passerelle. Quand il arriva dans le hangar des chasseurs cosmiques, Orage lui montra son chasseur où le colonel lut. Chasseur 1 de la police spatiale. Tout est prêt Nova, je serai prêt à faire intervenir la force si besoin. Merci, et le lieutenant Vénus. J'arrive Nova. La scientifique Vénus était grande et mesurait 1m76, blonde aux cheveux courts, la quarantaine et avait un nez épaté mais était tout de même belle à voir et était la chef des scientifiques de l'espadon. Bien Vénus, départ immédiat et je compte sur vous pour analyser cette planète pour voir si colonie pourrait en tirer des bénéfices. À vos ordres Nova. Tous deux embarquèrent dans le chasseur cosmique et le colonel mit le moteur en route. Un sifflement de turbine se fit entendre montant dans les aigus et Nova enleva la mare magnétique tenant l'appareil au sol et celui-ci se mit à flotter dans l'air. Nova poussa les gaz et le chasseur cosmique s'aligna automatiquement sur la piste centrale d'envol et partit comme une flèche en direction du sas de sortie. Une fois passé, la porte se referma derrière lui automatiquement et il jaillit dans l'espace. Nova, qui avait appris la manœuvre, sut le piloter sans problème et il décida de faire le tour de la planète. Une fois le tour fait, il revint survoler le plus grand continent d'Oméga et ne vit que montagnes et forêts à perte de vue. On va se poser où Nova ? C.144 réfléchit et répondit. Vénus, on n'a pas le choix, et comme le chasseur cosmique se pose en vol vertical, eh bien on va se poser sur la montagne. C'est risqué Nova. On n'a pas le choix Vénus. Le colonel avait réduit la vitesse de l'appareil et apercevant un morceau de sommet assez plat, il se positionna au-dessus puis fit la descente. L'appareil toucha la roche et Nova éteignit son moteur. Nous sommes posés sans casse, lieutenant. Je n'avais pas peur, mon colonel. Tous deux rirent et Nova ordonna. Tout le monde descend. C.144 ouvrit la porte et descendit le premier sur le sol rocheux et fut surpris de voir un escalier taillé dans la pierre descendre vers la forêt. Vénus descendit avec une valise d'instruments et voyant le colonel pensif, elle dit. Ça doit être pour la population un endroit de surveillance ici et c'est pour cela qu'ils ont fait ces marches. Eh bien Vénus, on a de la chance qu'il n'y ait personne. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Chapitre 8. Nova et Vénus descendaient le dédale des marches qui les emmenaient vers la forêt qui était épaisse et donc on ne voyait rien à travers cette immense végétation. C'est 35 minutes plus tard que le colonel, allant en tête, toucha le sol de la planète. Maintenant il portait la valise de la scientifique pour la soulager dans la descente et il la lui rendit. Vénus le remercia et se baissant elle l'ouvrit puis prit un petit flacon, le déboucha et grattant le sol avec un couteau elle remplit le flacon de terre et d'herbe. Vénus remit le flacon en place en marquant de quoi il s'agissait dessus puis mit des flacons vides dans sa poche, le couteau et son crayon et referma sa valise. Tous deux pénétrèrent dans la forêt. Maintenant ils entendaient des cris d'animaux variés mais pas connus d'eux et ils marchèrent sans but précis. Soudain devant eux cinq hommes se dressèrent sortant des taillis avec des pistolets laser dirigés vers eux. Nova sourit et s'arrêta et déclara. N'ayez pas peur messieurs, je suis le colonel Nova de la police spatiale de Colonie et voici ma collègue le lieutenant Vénus. Les hommes remirent leurs armes dans leurs étuis. Pardonnez-nous colonel, je reconnais votre tenue, dit l'un d'eux et ont pourchassé un gibier. Nous comprenons bien, répondit C.144, mais qui êtes-vous je vous prie? Les hommes devant eux avaient tout le crâne rasé, pas de sourcils ni de cils, étaient très pâles de teint, mesurant 1m60 environ avec un nez en triangle et des oreilles en forme de chou-fleur. Leur tenue était une combinaison faite d'une pièce couleur camouflage pour se fondre dans la végétation. Nous sommes des Omédiens. Enchanté, nous venons voir vos responsables pour une enquête. Bien, veuillez nous suivre alors, colonel. Nova hocha la tête et avec Vénus suivit les hommes. La marche dura 5 minutes et ils arrivèrent à un gros arbre d'un diamètre gigantesque avec plus de 10 mètres de diamètre. L'homme s'approcha et dirigea un petit boîtier vers le tronc et une ouverture se fit et s'agrandit. Bien ça alors, dit la lieutenante, surprise. L'homme sourit et expliqua. C'est l'une de nos entrées pour notre cité où nous allons prendre un tunnel pour y arriver. Mais c'est un vrai arbre, demanda Nova. Non colonel, il est artificiel et pardonnez-moi j'ai oublié de me présenter mais je m'appelle Zéphlon. Enchanté Zéphlon et c'est loin votre cité. À 12 minutes d'ici. Les autres hommes étaient déjà entrés et en entrant Nova vit un wagonnet qui les attendait et un rail s'enfonçant dans le tunnel. Tous montèrent à bord et en tapant une commande sur son boîtier, Zéphlon fit rouler le wagonnet. Celui-ci était silencieux et prit de la vitesse sur le rail unique. Le trajet fut fait rapidement dans ce tunnel noir, et Nova ainsi que Vénus aperçurent enfin de la lumière devant eux et ils l'atteignirent rapidement. Le wagonnet freina et vint se ranger le long d'un quai. Les Omédiens descendirent et le colonel et le lieutenant en firent autant et ils suivirent Zéphlon qui les fit entrer dans la cité. Le colonel fut sidéré de voir là une vieille cité datant du Moyen-Âge et il était sûr de l'époque car il avait vu des photos dans le navigateur de l'histoire des planètes. Comment c'est possible Zéphlon ici? Nos aïeux ont construit cette cité sous terre pour la sécurité des habitants car là-haut il y a des animaux féroces et avec toute cette végétation ce n'est pas facile toujours de les voir car ils sont silencieux. Je comprends et il y a beaucoup de cités. Oui colonel. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Chapitre 9. Nova et Vénus avancèrent dans cette cité médiévale où ils croisaient des Omédiens et Omédiennes qui les regardaient avec surprise. On va où Zéphlon ? Demanda C.144. Voir notre dieu Oméga. Votre dieu ? Oui, on arrive dans sa demeure. En effet, ils arrivaient devant une maison avec des statues de chaque côté d'une porte en bois et Zéphlon salua les gardes qui se trouvaient devant et il ouvrit la porte invitant les deux policiers à entrer. Zéphlon fit signe aux autres gardes de rester dehors et Nova et Vénus le suivirent. Ils prirent un petit couloir pas bien large puis tournant à droite ils descendirent des marches en pierre. Arrivés au sous-sol ils se retrouvèrent devant une grande salle voûtée et au fond une statue de 2 mètres de haut par 80 cm de large. Voici notre dieu Oméga colonel. C'est lui qui dirige votre planète. Oui colonel. Nova ne comprenait pas comment il allait pouvoir parler à une statue et une voix d'outre-tombe et rocailleuse jaillit de la statue. « Qui m'amènes-tu, soldat ?»« Pardonnez-moi Dieu Oméga, je vous présente le colonel Nova et le lieutenant Vénus de la police spatiale qui désirent rencontrer les responsables de Oméga. »« La police chez nous. » »« Oui mon Dieu. » »« Laisse-nous alors soldat que je m'entretienne avec eux. » »« Bien mon Dieu » puis Zéphlon ajouta. « Je vous attends dehors et vous conduirez là où vous voudrez. » Nova regarda ce dieu qui n'était pas beau à voir et fait en pierre qui était très vieille et il ne comprenait pas que ce dieu lui parle par l'intermédiaire de cette statue. « Bien que voulez-vous au dieu d'Oméga ?»« Excusez-nous dieu Oméga. Connaissez-vous la police spatiale ?»« J'en ai entendu vaguement parler et qui êtes-vous ?»« Je suis le colonel Nova et voici ma collègue le lieutenant Vénus et nous sommes envoyés par le régulateur de la vie. » Je connais le régulateur de la vie, nous venons du même endroit où nous avons été fécondés par la matière noire. Bien alors Dieu Oméga, il nous a confié une mission à faire sur Oméga. Laquelle ? Pourquoi est-ce que vous avez une révolte entre deux peuples et pourquoi qu'une partie d'un peuple ne mange plus à sa faim ? Colonel Nova, on a donné une fausse information à la police spatiale car sur Oméga nous n'avons qu'un seul peuple qui se trouve sur ce continent et il n'y a pas de révolte ni de famine. Ah bon ? Oui colonel, chez nous tout est partagé à part égale entre les humains. Donc on nous a dérangés pour rien Dieu Oméga. J'en ai bien l'impression colonel. D'accord, désolé de vous avoir dérangé Dieu Oméga, nous allons rendre notre rapport comme quoi c'était une fausse alerte et qu'aucun problème n'était présent ici et qu'on peut clore l'affaire. Je vous remercie colonel Nova. Puis le dieu demanda. Donc vous repartez d'Oméga. Oui Dieu Oméga, le plus vite possible mais avant on aimerait avec ma collègue visiter votre cité qui est fabuleuse car on n'en a jamais vu et le lieutenant Vénus qui est une scientifique aimerait prélever des échantillons dans votre forêt et aussi voir quelle sorte d'animaux peuplent votre planète. Colonel vous avez la permission de visiter la cité et Zéphlon vous ramènera à la surface ensuite. Merci Dieu Oméga pour votre accueil et de nous avoir répondu afin de clore notre mission. Ceci était normal colonel et laissez-moi notre temps imparti est terminé. La voix stoppa de parler et les deux policiers quittèrent la pièce et remontèrent à la surface. Quand ils sortirent de la maison ils virent Zéphlon qui les attendait et il annonça. Mon Dieu m'a prévenu de vous faire visiter la cité, suivez-moi. Abasourdi Nova demanda. Mais il ne vous a rien dit vous n'étiez plus là en bas quand on en a parlé. Le dieu Oméga m'a prévenu par télépathie colonel. Astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque. Chapitre 10. Les deux policiers emboîtèrent le pas à Zéphlon qui les emmena dans le dédale des ruelles de la cité. « D'où vient cette lumière Zéphlon ?» demanda la scientifique intéressée. « On a une machine qui transforme les feuilles et les écorces des arbres en énergie électrique lieutenant. »« Merci bien Zéphlon. » Maintenant les deux policiers regardaient autour d'eux émerveillés par cette splendeur de cité qui datait d'un autre âge et les heures passèrent. C'est 3 heures plus tard que Zéphlon annonça. « Voilà on a vu le plus gros de notre lieu de vie et je vais donc vous ramener à la surface. » Nous vous remercions Zéphlon, on a été ravis de voir votre cité et merci à vous pour cette visite, dit Nova avec le sourire. Ils sortirent de la cité et reprirent le wagonnet dans le tunnel pour revenir à leur point de départ. En sortant du faux arbre Zéphlon referma l'arbre artificiel et annonça. La forêt est dangereuse colonel, donc je viens avec vous. Zéphlon c'est très gentil à vous mais nous devons avec le lieutenant Vénus étudier la forêt et prendre des échantillons et pour cela on préfère être seul. Oui c'est dangereux colonel. Nova sourit et sortit de sa poche de pantalon le Victoire et annonça. Tous deux sommes armés d'armes laser à la puissance de feu égale à celle d'une batterie laser surpuissante, Zéphlon, et donc nous ne risquons rien. L'Omédien pâlit et répondit. C'est d'accord colonel, je vous laisse et bon retour chez vous. Merci bien Zéphlon et content de vous avoir connu. L'homme d'Oméga hocha la tête et les deux policiers le laissèrent sur place et s'enfoncèrent dans la forêt. Nova, vous pensez que notre mission est vraiment finie ? Non Vénus, on a une version d'histoire de ce dieu mais je trouve qu'on a été trop gentil avec nous, et en nous disant de manière aussi succincte et nonchalante que tout allait bien mais le régulateur de la vie ne sera pas content si nous ne rencontrons pas l'autre peuple. Mais il nous a dit Nova qu'il y en avait qu'un seul. Je sais, mais à nous Vénus de vérifier si c'est la vérité. D'accord Nova, je comprends. Alors on continue à avancer dans cette forêt et on reste sur nos gardes et continuer à faire des prélèvements pour colonies. Le lieutenant hocha la tête et ils continuèrent à marcher sans but précis. C'est 14 minutes après que devant eux un immense cri d'humain se fit entendre qui glaça le sang de Vénus. C'était quoi Nova ? On aurait dit un cri humain, allons voir ça de près. Tous deux avec prudence progressèrent vers le cri et ils arrivèrent à une petite prairie où un homme était attaché à un arbre. Il ressemblait aux habitants de la cité et il était entièrement nu. Devant lui un serpent de plus de 8 mètres de long, gros de 40 cm à la tête ressemblant à un crocodile avançait rapidement vers lui et l'homme hurla encore une fois de terreur. Nova sortit son victoire, enleva la sécurité et tira deux fois. Le serpent disparut dans une lueur aveuglante. Nova se précipita vers l'homme qui tremblait de peur et de son couteau qu'il sortit de son autre poche il coupa les liens du malheureux. « Vous êtes libre, n'ayez plus peur. »« Merci monsieur, je vous suis redevable mais qui êtes-vous ?»« Colonel Nova et voici le lieutenant Vénus de la police spatiale. » »« Merci colonel, à Omega nous connaissons par nos ancêtres la police spatiale. » »« Bien donc n'ayez pas peur de nous et qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Turan et je suis le chef de mon village. » Très bien Turan, vous pouvez nous emmener à votre village, qu'on discute de la vie sur Omega. Bien sûr suivez-moi, c'est à une heure de marche d'ici. D'accord Turan allons-y, répondit C.144. Astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque. Chapitre 11. Les deux policiers suivaient Turan à travers la forêt où ça et là la scientifique s'arrêtait pour faire ses prélèvements puis repartait en courant pour les rejoindre où les deux hommes discutaient en chemin où Turan posait des questions sur la police à Nova. 55 minutes plus tard l'Omédien annonça. Nous sommes arrivés au village colonel. Surpris Nova stoppa et s'exclama. Je ne vois rien Turan. Normal colonel nous vivons dans les arbres tout là-haut. Nova regarda vers la cime des arbres mais ils étaient tellement hauts et très touffus au niveau de leur feuillage qu'il ne vit rien. Nous vivons là-haut à cause des monstres qui se baladent dans cette forêt et sur tout le continent. Mais Turan, comment vivez-vous là-haut ? Vous allez voir par vous-même, colonel. L'homme s'approcha d'un arbre et posa la main sur une branche creuse, tira dessus la dégageant de l'arbre où elle entrait dans un trou et la porta à ses lèvres et siffla quatre fois dedans, attendit une minute puis siffla trois fois dedans puis remit sa branche dans le trou de l'arbre. Reculez un peu, on va nous envoyer un panier. Vous nous expliquez, Turan ? Demanda C.144. Oui j'ai sifflé une première fois quatre fois pour indiquer que le panier devait descendre de cet arbre et trois fois ensuite pour prévenir que nous étions trois à monter. C'est un ascenseur si je comprends bien dit Vénus en souriant. Je ne connais pas le mot ascenseur lieutenant mais notre panier nous permet de monter et descendre de l'arbre. C'est la même chose Turan, répondit la scientifique tout au moins chez nous cette façon de voyager dans les hauteurs s'appelle un ascenseur. Merci bien pour l'explication lieutenant, répondit l'Omédien en souriant. Et comment ils vont savoir pour nous monter Turan ? Demanda Nova. À chaque descente dans le panier il y aura une branche à souffle et il suffira de souffler une fois et on vous remontera aussitôt. Compris Turan. Un long sifflement se fit entendre et une panière arriva fixée à une grosse liane et se posa brutalement sur le sol. Je monte le premier colonel afin que je prévienne de votre arrivée afin qu'on ne vous abatte pas. Nova hocha la tête et l'Omédien enjamba le panier, prit la branche et souffla un coup dedans puis la lâcha et se tint au bord du panier. Une secousse se fit et le panier s'éleva dans les airs. C'est 5 minutes plus tard que le panier se posait à nouveau sur le sol et Nova ordonna à Vénus d'y prendre place et une fois qu'elle eut sifflé celui-ci partit dans les airs. L'opération recommença une troisième fois et à son tour C.144 partit vers le sommet de l'arbre où il fut agréablement surpris de voir de sa hauteur la forêt sous lui et eut un frisson d'horreur voyant un monstre ressemblant à une baleine passer sous son arbre. Le monstre était difforme et avait des écailles. Maintenant Nova comprenait pourquoi que les Omédiens avaient peur des monstres. À son arrivée le panier s'arrêta sur une plateforme en bois et Turan l'aida à descendre. Tout autour de la plateforme une barrière de sécurité en bois évitait de tomber dans le vide. Bienvenue au village colonel, dit l'Omédien joyeusement. Eh bien merci Turan et pas mal votre système pour venir chez vous. L'homme sourit et présenta les hommes qui avaient fait monter le panier en tournant une manivelle en bois qui avait enroulé la liane autour d'un tronc. Merci à vous tous. Suivez-moi mes amis maintenant entrons dans le village. Turan prit une passerelle suspendue entre deux arbres qui elle aussi avec sa protection de chaque côté fait de bois et de cordes et ils arrivèrent sur une immense plateforme faite en rondins de bois fixés sur plusieurs arbres où là une centaine de villageois les attendaient. Chers amis du village, permettez-moi de vous présenter le colonel Nova et le lieutenant Vénus de la police spatiale que nous connaissons tout grâce à nos livres d'histoire qui m'a sauvé la vie en tuant un ex et qui allait me dévorer car la cité m'avait attaché à un arbre. Des applaudissements jaillirent de la part des villageois et des merci fusèrent de toutes parts. Nova leva la main et une fois le silence fait remercia et annonça. Nous sommes ici pour enquêter sur Omega sur la famine que vous subissez et on vous sortira de là c'est la volonté du régulateur de la vie. Merci colonel de faire en sorte qu'on puisse vivre heureux, dit Turan ému par les paroles de C.144. Je vous en prie Turan et allons discuter tous les trois avec le lieutenant car nous avons hâte de tout savoir. Astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque.